très très bon vendredi soir, excellent week-end tout le monde et merci d'écouter Espace. Il est tout pile 18h à Rouen comme partout en Normandie. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. La France va fournir à l'armée belge 442 blindés pour un montant d'environ 1,5 milliard d'euros, a annoncé la ministre française des armées Florence Parly, au lendemain de l'annonce de l'achat par Bruxelles d'avions de chasse F-35 américains, au détriment notamment du Rafale français. La ministre s'est félicitée de cette excellente nouvelle pour la France comme pour la Belgique. Ce partenariat inédit comporte également un volet opérationnel incluant des entraînements, de la formation et le maintien en condition opérationnelle des matériels concernés. Ces blindés seront livrables à la Belgique à compter de 2025. Un homme a été tué et 14 personnes blessées, dont 12 pompiers, dans un incendie qui a ravagé ce matin un entrepôt dans une zone industrielle de Saint-Paul, dans l'ouest de la Réunion, se propageant à des entreprises voisines. C'est une étincelle provenant d'un poste à souder qui aurait mis le feu à des cartons. L'un des hommes qui travaillait sur les lieux est mort piégé par les flammes. Des pompiers ont été blessés en lui portant secours et d'autres incommodés par les fumées. Le président français Emmanuel Macron a estimé aujourd'hui lors d'une conférence de presse à Bratislava que c'est pure démagogie que de dire d'arrêter les ventes d'armes à Riyad suite à l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Les ventes d'armes n'ont rien à voir avec Jamal Khashoggi, il ne faut pas tout confondre, a-t-il déclaré avant de plaider en cas de sanction pour une réponse européenne dans tous les domaines, mais une fois les faits établis. Une personne a été arrêtée dans l'enquête sur les colis suspects adressés à des personnalités anti-Trump, selon un porte-parole du ministère américain de la Justice. C'est la première arrestation depuis le début de l'enquête, alors que le nombre de colis suspects retrouvés depuis lundi est grimpé à 12 ce matin. Ce 12e colis était destiné à James Clapper, directeur de la National Intelligence sous la présidence de Barack Obama. Enfin, Thibaut Pinot a reçu le trophée de Vélo d'or français 2018 décerné par Vélo Magazine. Le franc-comtois a été récompensé pour sa belle fin de saison et notamment ses deux succès d'étape sur la Vuelta ou sa victoire au Tour de Lombardie. C'est Alejandro Valverde qui a remporté le titre de Vélo d'or. Sur la plus normande des radios, Matt. Vous êtes au top de l'actu, allez, top départ, nouvelle heure, nouveau son et nouveau tube avec Armin Van Buren, blablabla. L'après-midi sur Espace, c'est Max.

el número para estar contigo en detalle. Y tienes el toque, toque, toque. Pareces una estrella formando el alboroto. Tienes el toque, toque, toque. Se cae el internet cuando subes una foto. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. À l'instant, c'était Over That Girl pour vous accompagner comme ça à 18h40. J'espère que vous allez bien, les amis. Et on vous donne rendez-vous au 9e salon du livre Jeunesse qui aura lieu le samedi 24 et dimanche 25 novembre à Évreux au cadran de 10h à 18h. Et l'entrée est totalement gratuite. Plus d'infos sur www.culture-du6evreux.fr. Restez bien branchés, les amis. C'est la pub Shawn Mendes In My Blood. C'est juste après ça. L'espace de Forge et Propulsion crée l'événement à Forge-les-Eaux samedi 27 octobre à 20h30. Le groupe Gang Le Perron, composé de musiciens de Jean-Jacques Goldman, vous propose un concert hommage à Johnny Hallyday. Une soirée avec 10 artistes sur scène. Les tubes de l'idole des jeunes, toujours présents dans les esprits, en live ce soir-là à travers des réinterprétations exceptionnelles. Renseignements et réservations, 02 32 89 80 80, point de vente habituel ou sur gangleperron.fr.

Le son de Shawn Mendes, In My Blood, sur la plus normande des radios. Bon week-end tout le monde, voici les Four à tout. Et on se retrouve très très vite de l'autre côté avec Amir pour les rues de ma peine. A tout de suite. Espace. Ça se passe près de chez vous. Bienvenue durant ces quelques instants que nous allons passer ensemble. Eh bien, je vous dévoile le programme qui nous attend durant ce week-end. Vous allez pouvoir notamment chiner dans le département de l'Eure et dans le département de la Seine-Maritime. On débute pour ce samedi avec tout d'abord à Aubevoie au niveau de l'espace culturel Marcel Pagnol, un salon collection. Si vous désirez plus d'infos sur l'événement, 02 32 53 22 21. Et on passe à Brionne au niveau de la salle des fêtes avec les puces de 10h à 17h. On passe maintenant dans le département de la Seine-Maritime. On note qu'un seul rendez-vous, c'est à Aumale, au niveau de la Halle au Beurre, pour le salon artisanat, gastronomie et marché du monde. Pour dimanche, on prend les mêmes et on recommence. On débute tout d'abord dans le département de l'Eure, à Aubevoie, au niveau de l'espace culturel Marcel Pagnol, pour le salon collection. On poursuit à Brionne, au niveau de la salle des fêtes, pour les puces, de 9h30 à midi. Et puis, on continue du côté du Vieil Évreux, au niveau de la salle polyvalente, avec une foire enjouée. À Louviers, au niveau de la salle du Moulin, c'est une foire enjouée périculture, de 9h à 16h. Et puis, on termine à Surville au niveau de la salle communale avec une bourse vêtements de 9h à 18h. On passe maintenant dans la Seine-Maritime et on débute tout d'abord à Aumale au niveau de la Halle au Beurre pour le salon artisanat, gastronomie et marché du monde. On continue à Côte-Bec-les-Elbeuf au niveau de la salle Émile Zola à partir de 9h pour une bourse périculture et on termine à Petit-Couronne au niveau de la salle Le Sillon pour une foire enjouée de 8h à 18h. Voilà, c'est tout pour ce week-end. Bonne sortie en Normandie avec Espace. Salut. Espace. Sa propre langue, très souvent elle tangue entre le yin et le yang. Tu me retiens, tu me mets des sangles. Quand tu vas trop loin, il arrive que je m'étrangle. Les mots de ma pensée m'ont parfois dépassé. Pour une fois, viens, on efface. Oublions nos beautés, on s'est mis de côté. Je veux qu'on se regarde bien en face. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. Quand je suis perdu, je veux que tu me ramènes. Je veux qu'on aille bien, je veux qu'on aille loin et qu'on traîne. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. L'amour ça tue, sauf quand tu te démènes. Je veux qu'on fasse bien, je veux qu'on s'aille loin et qu'on traîne. Je me plante entre l'ami et la menthe. Les démons chantent et nous démentent. Pour te préserver, est-ce qu'il faut que je te mente? Suspendu sans arrêt au fil de nos marées, une vague à l'âme qui nous dépasse. Collé à nos égos, posé comme des Legos, je veux qu'on se laisse un peu d'espace. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. Quand je suis perdu, je veux que tu me ramènes. Je veux qu'on Je veux qu'on aille loin et qu'on traîne. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. L'amour ça tue, sauf quand tu te démènes. Je veux qu'on fasse bien, je veux qu'on s'aille loin et qu'on traîne. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Le temps idéal, c'est quand on se met à l'abri pour mater les étoiles. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. Quand je suis perdu, je veux que tu me ramènes. Je veux qu'on aille bien, je veux qu'on aille loin et qu'on traîne. Je ne squatterai plus. Je veux qu'on s'aille loin.